السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكبخين petite interruption. On reprend بإذن الله تعالى l'explication qui est un résumé explicatif de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى du كتاب التوحيد للivre de l'unicité. On est arrivé au chapitre qui est باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. Chapitre fait partie de la foi, de patienter quant au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur qui est Cheikh al-Islam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit: وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. Et la parole d'Allah dans la traduction du sens est: et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Surat Taghabun, verset 11. Et Al-Qamah, il dit, c'est l'homme qui est touché par une calamité et sait qu'elle vient d'Allah. Et donc, en est satisfait et se soumet. Explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, et il dit, Tarjamatu Al-Qamah, donc c'est-à-dire qu'il va faire une très brève et concise biographie de Al-Qamah. Il dit, هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم مات بعد الستين من الهجرة. Alors, qui est علقمة? علقمة c'est بن قيس, علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة. Il est né du vivant du prophète عليه الصلاة والسلام et il fait partie de ce qu'on appelle Kibar al-Tabi'in, les grands successeurs ou tabi'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et il fait partie de leurs savants et de leurs dignes de confiance. Il est décédé après l'an 60 de l'Hégire, rahimahullah ta'ala. Puis Cheikh Al-Fawzan il dit munasabatu al-babi li kitab al-tawhid, c'est-à-dire quel est le caractère opportun de ce chapitre, ou quel est le rapport de ce chapitre, quel est le rapport entre ce chapitre et kitab al-tawhid dans lequel ce chapitre s'articule avec d'autres chapitres pour composer un tout qui est Kitab al-Tawhid. Et donc il dit أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان وجوب الصبر على الأقدار وتحريم التسخط منها لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. Le rapport entre le chapitre et le livre de l'unicité Kitab al-Tawhid, c'est que l'auteur qui est Cheikh al-Islam Mohammed bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala a voulu par ce chapitre mettre en évidence l'obligation de patienter quant au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'interdiction d'en être mécontent, car cela s'oppose à la complétude ou à la perfection de l'unicité, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan ici, hafidahullah ta'ala. Et après, comme son habitude, Cheikh Al-Fawzan il explique les termes un par un qui sont utilisés ici. Il dit Al-Imanu. Et il va donner deux sens. Comme vous savez, en général, les ulama, ils donnent toujours quoi? Deux sens. Al-Lughawi wa Shar'i. C'est-à-dire le sens linguistique du mot dans la langue arabe. Et ensuite, le sens dans le jargon religieux islamique. C'est-à-dire le sens que ce terme a chez les savants de l'islam. Et il dit donc Al-Imanu fil lugha at-tasdiq alladhi ma'ahu itimanun lil mukhbiri. Wa fi shar'a. Maintenant, dans le shar'a, dans le jargon religieux, nutqun bil lisan. Et ça c'est une définition par rapport à la définition shara'iyya ici qu'on avait déjà rapportée. On avait rapporté le fameux poème de Hamad al-Ansari rahimahullah ta'ala qui a compilé la foi en cinq noun. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? Al-Iman, c'est quoi l'Iman? La foi, d'abord dans son sens linguistique, c'est le fait de croire avec une confiance en l'informateur. Et dans le jargon religieux, c'est une prononciation de la langue et une croyance du cœur et une mise en pratique par les membres. Et ça, c'est la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a al-Salafiyoun Ahl al-Hadith. C'est-à-dire que c'est une prononciation de la langue et une croyance du cœur et une mise en pratique par les membres. Ensuite, Cheikh, il parle du mot sabr, qui est un mot important dans ce chapitre. Parce qu'on a dit Babun min al-Iman billahi al-Sabru ala aqdarillah. Al-Sabru, al-Sabru. Donc, al-sabru, il donne encore une fois la définition dans l'ura et dans shara', c'est-à-dire dans le sens linguistique et le jargon religieux, et il dit al-sabru fil lughati al-habsu wal-kaffu. وشرعا هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والتسخط أو السخطيسي كما لدي الشيخ والجوارح على لطم الخدود وشق الجيوب. Qu'est-ce que الصبر? الصبر, la patience dans le sens linguistique, c'est le fait de se retenir, de s'empêcher. Et dans le jargon religieux, c'est retenir l'âme de perdre patience et retenir la langue de se plaindre, ou empêcher la langue de se plaindre si vous voulez, et d'exprimer, et donc l'empêcher, la retenir, d'exprimer le mécontentement et de retenir les membres de frapper les joues et de déchirer les cols des habits. Parce que Jouyoub, c'est le pluriel de Jaib, comme Cheikh Al-Fawzan va l'expliquer, c'est l'endroit par lequel la tête rentre dans l'habit. C'est pour ça que l'on a traduit par quoi ici, déchirer les cols des habits, qui sont tous des signes de manque de patience. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ Ici, par rapport au verset de Surat Taghabun, Cheikh Al-Fawzan l'explique, حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى, en disant, فَيَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُصِيبَةَ بِقَدَائِهِ وَقَدَرِهِ وَيَسْتَرْجِعُ عِنْدَهَا. D'abord, avant de parler de ça, Cheikh Al-Fawzan, ici, évidemment, c'est dans Kitab Tawhid, il ne rentre pas en détail dans ce qui concerne la patience. Moi, je conseille aux frères et aux sœurs qui écoutent maintenant, je vous conseille vivement, si vous voulez lire un bon passage sur la patience, c'est le passage dans Riyad Salihin. Il y a un chapitre sur la patience de Riyad Salihin, et lisez-le avec le charh de Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayh, et il donne un très très bon taqsim. Quelles sont les différentes catégories de sabre, etc. Donc vraiment, un chapitre que je vous recommande vivement, c'est sabre, Shabab ou sabre dans Riyad Salihin, avec l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Et donc Cheikh dit ici, « وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَيَعْتَقِدُ أَنَ الْمُصِيبَةَ بِقَدَائِهِ وَقَدَرِهِ وَيَسْتَرْجِعُ عِنْدَهَا. » Alors ici, deux points, on va devoir s'arrêter sur un peu sur des points ici. C'est le mot « qada » ou « qadar ». On a déjà un peu touché de manière légère dans certains cours précédents. Je pense que ce n'était pas assez et qu'il convient de faire un point par rapport à ces deux termes-là. Ensuite, on va parler aussi, Inch'Allah, du mot ici, du mot de vocabulaire qui est un verbe en vérité et qui est « وَيَسْتَرْجِعُ ». Alors, c'est quoi l'istirja? Qui sait c'est quoi l'istirja? C'est le fait de dire « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est-à-dire, c'est certes à Allah que nous appartenons et vers lui que nous retournerons. D'accord? J'avais déjà expliqué dans certains cours aussi que il y a certaines paroles qui ont un nom, comme le hawqala, le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Aussi, quoi, le basmala, bismillah, etc., etc. D'accord? Et donc ici, l'istirja, quand vous entendez parler de l'istirja, du verbe yastarji'u, hein, istarja, c'est le fait de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. D'accord? Une faute que beaucoup de frères francophones font quand ils écrivent inna lillah, ils écrivent inna. Non, c'est inna, parce que c'est inna et nahnu. Donc c'est inna avec un alif. D'accord? Donc ici, par rapport au terme qada et qadar, ici on va faire un point. Et pour les frères qui voudront ça en détail, ce sera dans le PDF, inshallah. Et on va rentrer dans les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, et du grand savant aussi, du grand savant Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, et du grand savant Cheikh Omar Fallata. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il explique que Al-Qada wa Al-Qadar, que chacun de ces deux termes englobe l'autre lorsqu'ils sont cités séparément, mais qu'ils ont un sens différent lorsqu'ils sont cités ensemble. Ça fait partie d'Al-Fad, comme on avait dit, une règle, c'est إِذَا افْتَرَقَ اجْتَمَعَ وَإِذَا اجْتَمَعَ افْتَرَقَ. On avait déjà donné plusieurs exemples, comme quoi on avait dit l'islam ou l'iman. Quoi d'autre qu'on avait dit? Al-faqir ou al-miskin. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Le birwa taqwa, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est des termes, on va traduire ça comme ça. Lorsqu'ils sont séparés, ils sont ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand ils sont cités séparément, ils ont tous les deux le même sens. C'est-à-dire que l'un englobe l'autre. C'est-à-dire qu'on parle de qada, eh ben, c'est le même sens que le qadar. Quand on parle tout seul du qada. Et quand on parle du qadar tout seul, c'est le même sens que qada. Mais quand ils sont ensemble, ils ont un sens différents. وَإِذَا اجْتَمَعَ افْتَرَقَ. اجْتَمَعَ افْتَرَقَ فِي الْمَعْنَى. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont ensemble, ils se divisent, ils se différencient l'un de l'autre dans leur sens. Comme on a dit, faqir, c'est le miskin. Et le miskin, c'est le faqir. Donc la langue française, elle est pauvre par rapport à ça, justement. C'est difficile hein, on va dire quoi, le pauvre et le misérable, mais on ne voit pas la différence. En arabe, faqir, c'est pauvre, et miskin, Ou plutôt, fakir c'est miskin, et miskin c'est fakir. Mais quand on les dit ensemble, comme dans certains versets du Coran notamment, eh bien c'est quoi? C'est que le fakir, il est plus pauvre que le miskin. Donc il y a une différence dans le sens. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit ça et il dit, lorsqu'ils sont cités séparément, maintenant c'est ça qui nous intéresse, c'est de voir quelle est cette différence justement entre le qada ou le qadar. Lorsqu'ils sont cités séparément, alors le qadar a le sens de ce que Allah a prédestiné dans ce qu'on appelle en arabe al-azal. C'est un mot que vous avez entendu. Vous avez entendu peut-être l'adjectif qui est azali. Hein? Que nous on va traduire par l'éternité antérieure sans commencement. C'est-à-dire ce que Allah a prédestiné dans l'éternité antérieure sans commencement. Al-azal. Vous entendez souvent dire azali et abadi. Hein? L'éternité antérieure et postérieure, si vous voulez, et future. D'accord? Et al-qada a le sens de ce qu'Allah décrète dans sa création comme al-ijad ou al-i'dam ou al-tahyir, c'est-à-dire le fait de faire exister ou de ne pas faire exister ou le changement, tahyir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que j'ai voulu vous rapporter la part du Cheikh Fallata rahimahullah, parce qu'il donne un exemple, il illustre ça. Et il dit, Cheikh Fallata rahimahullah ta'ala, pour ceux qui veulent revenir à la parole du Cheikh Al-Uthaymeen, c'est tiré de Fatawa fil Aqida, Fatawa dans la croyance, Dar Minhaj, page 132-133. Donc, Cheikh Omar bin Mohamed Fallata, rahimahullah alayh, il explique la différence entre les deux termes de la manière suivante. Il dit, il y a une différence entre le qada ou le qadar. Le qadar, c'est ce qu'Allah a décrété avant que cela ne se produise. Et il se peut que cela se produise, et il se peut que cela ne se produise pas. Et donc, lorsque cela se produit par ordre d'Allah, le Très-Haut, cela devient qada. Par exemple, et dans l'audio, le shir, il tousse saute. D'accord? Et il dit, j'ai tout sauté à l'instant. D'accord? Suivez. Et donc, ce tout sautement, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cela se produise, était un quoi? Un qadar. Car Allah a voulu, et il a la volonté absolue, subhanahu wa ta'ala, que tel serviteur, tout saute, telle nuit, à telle heure, et à tel endroit. Donc ceci est un qadar. Et il se peut qu'il soit écrit que je ne tout saute pas à ce moment-là. Si une cause s'est produite, si un remède a précédé, par exemple, et donc je ne tout saute pas à ce moment. Et donc, si j'utilise le remède, le tout sautement ne se produit pas. D'accord? Et puis, Cheikh, il dit, la maladie, elle dit, je descends. D'accord? Le remède dit non. Je le retire, je te retire, il a dit, arfa'ouk, car il m'a été ordonné de te retirer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, la maladie, elle n'arrive pas. Et donc le qadar ne se produit pas. Et lorsque l'ordre se produit, cela devient quoi on a dit? Un qada. Et ça c'est tiré de Tafsir Surat Al-Ankabut, l'audio numéro 2 de Cheikh Fallata rahmahullah ta'ala. Maintenant on continue la parole de Cheikh Al-Fawzan rahmahullah ta'ala. Il dit, par rapport au verset, Yahdi qalba. Non. C'est expliqué dans la parole de Cheikh Al-Uthaymeen. Je la redis si tu veux. Comment tu veux que je te résume, que je te fasse C'est quoi Non, je vois pas. Simplement, qu'est-ce qu'il a voulu dire On reprend. Moi, chez Mouchel, on reprend. Regarde, on revient à la parole de Cheikh Al-Uthaymeen d'abord, comme ça, parce que ça, c'est vraiment très résumé. Et en fait, Al-Uthaymeen l'a illustré par un exemple, en fait. D'accord? Donc, si on revient à la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, on va mieux comprendre l'exemple et ce sera plus clair dans nos esprits, Inch'Allah. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit. On parle du qadar, d'accord? D'ailleurs, tu sais, c'est quoi? Parce que tu as répondu à chaque fois que... Donc, ce qu'Allah a prédestiné, dans l'éternité antérieure sans commencement. Hein? Fil azal. On est d'accord? Et puis, il dit sur le qadar, ce qu'Allah décrète dans sa création. Dans sa création. comme le fait de faire exister ou de ne pas faire exister, ou le changement. Hein? Ici, mais encore une fois, les traductions sont très dangereuses. Parce que tu peux traduire qadar décret, mais il faut le dire en arabe, après il faut donner la différence entre les deux. Et c'est comme ça que tu vas comprendre la différence entre les deux. Parce que c'est vrai souvent, Annie, quand on traduit, tu peux traduire par quoi? Prédestination, décret. D'ailleurs, qu'on a dit Aqdarillah tout à l'heure, on a dit quoi? Les décrets d'Allah. Mais presque ça reproduit encore cette subtilité, cette nuance que les ulama donnent? Non. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours que la langue française, ce n'est qu'une béquille, et qu'il faut faire attention, et qu'il faut revenir à l'arabe, et qu'en arabe, là, on voit la subtilité des choses. Et même en arabe, la langue arabe, c'est pas suffisant. Elle n'est pas suffisante. Il faut revenir à l'explication des ulama. En langue arabe, al-qada ou al-qadar, il faut savoir comment les ulama ils font la distinction entre ces deux terminologies-là, ces deux termes-là. Et donc, je répète l'exemple de Cheikh Falata, comme ça, ça répond peut-être à ta question. Il dit qu'il y a une différence entre les deux termes de la manière suivante. Tu me suis? Hein? Il dit, et puis à ce moment-là, Cheikh il tousse. On l'entend dans le dit, il fait comme ça. D'accord? Et puis il dit, il dit ce toussotement-là. Il prend ça comme exemple pour expliquer la différence entre qada ou al-qadar. Donc si je vous pose moi la question maintenant, au moment où Cheikh il a tout sauté, on est d'accord? C'est arrivé ou c'est pas arrivé? C'est arrivé. Ça s'est produit, on a dit tout à l'heure, d'accord? Et parce que ça s'est produit, c'est devenu quoi? Qada. Si tu as compris ça, tu as tout compris. D'accord? Et si vous voulez, revenez aussi aux quatre maratibs du qadar, ça va vous aider à comprendre aussi. D'accord? Ça va? J'ai répondu à ta question. Donc on a dit quoi par rapport au verset? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Pour les frères qui ont fait la langue arabe, ici ça s'appelle quoi? Un shart et un jawab shart. D'accord? Si vous voulez une condition, une réponse à la condition. Et donc يَهْدِي قَلْبَهُ, Cheikh il dit لِلصَّبْرِ عَلَيْهَا. La patience, il dit quoi ici? Il dit يَهْدِي قَلْبَهُ, il guide son cœur. Et si vous revenez à la traduction du verset, on a dit quoi tout à l'heure? Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. C'est-à-dire que s'il y a cette condition qu'il croit en Allah, eh bien Allah, il guide son cœur. Eh bien, Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, il guide son cœur à patienter quant à cette calamité. وَالرَّجُلُ تُصِيبُهُ إِلَى آخِرِ مَا قَالَهُ عَلْقَمَهُ. C'est-à-dire que c'est l'homme qui est touché par une calamité jusqu'à la fin de la parole d'Al-Qama, rahmatullah alayh. هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية. Parce que ici dans le verset, est-ce qu'on entend le mot sabr? وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Or, Al-Qama, quand il a expliqué ce noble tabi'i, quand il a expliqué le verset, il a dit quoi? Il a dit الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ, jusqu'à la fin de sa parole. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, c'est une explication de l'iman qui est cité dans ce verset, de la foi qui est cité dans le verset. Et donc, Cheikh, il dit, c'est l'homme qui est touché par une calamité jusqu'à la fin de la porte d'Al-Qama, il dit, ceci est une explication de la foi mentionnée, citée dans le verset. Maintenant, le sens général du verset, le ma'na al-ijmali l'aya, de Surat Taghabun, verset 11. يخبر تعالى أن من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا وقد يخلف عليه ما أخذ منه أو خيرا منه. Par rapport à ta question, après le cours, inshallah, si vous voulez, je raconte une petite anecdote qui m'est arrivée avec un non-musulman en Belgique quand j'étais il y a quelques jours qui avait des questions sur l'islam. Parce qu'on a beaucoup parlé de qadar. Ils ont beaucoup d'ambiguïté sur le qadar, c'est vrai ou pas? Après, ça va peut-être. Donc, qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan dit ici? Il dit le sens général du verset, Allah le Très-Haut informe que celui qui est touché par une calamité et sait qu'elle fait partie de la prédestination ou du décret, d'accord, d'Allah, est donc patiente et espère en la récompense et se soumet au décret d'Allah, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, au Yusallim, Yarda au Yusallim, il satisfait, il agrée cela et il se soumet. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Jawab Shart, c'est quoi? Allah guide son cœur et lui donne en échange. Écoutez bien ici, c'est important parce que, et c'est pour ça que vous voyez que le prophète sallam, il a dit Amrul mu'min kulluhu khair. C'est vrai ou pas? La situation du croyant, elle est toute bonne. Qu'est-ce qu'il a dit dans la suite du hadith? Ida asabatu sarra fashakar fakana khayran lah. Lorsqu'il est touché par une bonne chose, quelque chose qui le rend heureux, quelque chose qui le rend joyeux, etc., une bonne chose, et qu'il remercie, eh bien quoi? C'est un khayr pour lui. Wa in asabatu darra, c'est quelque chose qui le touche, qui lui nuit, quelque chose de douloureux, comme on va le voir dans la suite de la parole de Cheikh Fawzan ici, fasabara fakana khayran lah. Et Cheikh al-Islam Outaymi, rahimahullah ta'ala, il a expliqué cela d'une très très bonne manière et complète dans sa fameuse risala Qa'idatun fi sabri wa shukr. Règle dans la page de remerciement que j'ai traduite et qui est publiée aux éditions d'Il Haq, si vous voulez lire en français. Règle dans la patience et le remerciement. Sinon, elle est sur le site et on a fait des cours en audio de cet audio-là, de cet épître-là. Et beaucoup de gens, après, m'ont envoyé des emails où m'ont dit après que ça les a beaucoup aidés dans la vie. Moi, personnellement, je l'avais fait parce que c'était arrivé dans ma vie, subhanallah, j'avais besoin d'entendre ça. Donc, c'est pour ça que je voulais traduire cet épître. Et donc, Cheikh, il dit, Allah guide son cœur et lui donne en échange de ce qui lui a échappé parmi les affaires mondaines, une guidée dans son cœur et une certitude véridique. Et il se peut qu'il le dédommage en lui donnant ce qui lui a échappé ou mieux que ce qui lui a échappé. Le rapport entre le verset et le chapitre, le verset de sourate Taghabun, أن فيها دليلا على فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة. Le rapport entre le verset et le chapitre, c'est-à-dire pourquoi en vérité Cheikh Islam Mohammed Ma'al-Wahab Rahimahullah, il a cité ce verset de sourate Taghabun dans le hadith, dans le chapitre, qui est le chapitre de quoi? C'est quoi le chapitre? Vous avez déjà oublié? On va reprendre. C'est quoi le chapitre? Fait partie de la foi de patienter quant au décret d'Allah. Et c'est là qu'on voit le fiqh de Cheikh Al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Il dit donc, le rapport entre le verset et le chapitre est qu'il y a dans ce verset une preuve du mérite de la patience quant au décret d'Allah qui sont douloureux. Les enseignements tirés de ce verset. Ma yustafadu min al-aya. أولا فضيلة الصبر على أقدار الله المؤلمة كالمصائب. Le mérite de la patience contre les décrets d'Allah douloureux comme les calamités par exemple. ثانيا أن الأعمال من مسمى الإيمان. Ça c'est la croyance de Al-Sunna al-Jama'a. C'est que les actions font partie de l'ensemble de la foi. ثالثا أن الصبر سبب لهداية القلب. La patience est une cause de guider du cœur. رابعا أن الهداية من ثواب الصابر. La guidée fait partie de la rétribution pour celui qui est patient. On continue dans le chapitre et on va finir le chapitre aujourd'hui, inshallah. On fait sahih muslimin an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wa niyahatu ala al-mayyit. Et dans l'authentique de muslim, d'après Abu Hurayra, qu'à l'agré que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux caractéristiques chez les gens qui sont toutes deux de la mécréance. Insulter les origines, la lignée de quelqu'un, la généalogie de quelqu'un, si vous voulez, et se lamenter au sujet d'un mort. Cheikh l'explique, Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, les termes en disant Huma, ay al-itnatan. Huma, le pronom personnel, le duel ici, il revient à quoi? À ces deux caractéristiques qui sont citées dans le hadith. Bihim kufrun, ay hatan al-khaslatan, kufrun qa'imun bin nasi, haythu kanata min a'mal al-kuffar. Eh bien, ces deux caractéristiques, elles sont chez les gens qui sont toutes deux de la mécréance. C'est-à-dire que ces deux caractéristiques sont une mécréance chez les gens, car elles font partie des actions des mécréants. At-ta'nu fil nasab, ay al-wuqu'u fihi bil-aybi wa at-tanaqqus. At-ta'nu fil nasab, insulter les origines, c'est-à-dire en parler de manière péjorative et insultante, dénigrante. Wa niyahatu 'ala al-mayyit. أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله لما في ذلك من التسخط على القدر. النياحة على الميت, se lamenter au sujet d'un mort, c'est quoi? Eh bien, c'est-à-dire lever la voix en faisant l'éloge du mort, en énumérant ses qualités, et ce en raison de ce que cela comporte en termes de mécontentement quant à la prédestination. Le sens général du hadith, le معنى الإجمالي للحديث, يخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيستمر في الناس خصلتان من خصال الكفر لا يسلم منهما إلا من سلمه الله. Le sens général du hadith Mais c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informe que deux caractéristiques qui font partie des caractéristiques de la mécréance persisteront chez les gens. Et n'en sera à l'abri que celui qu'Allah protège. Quelles sont ces caractéristiques? Al-oula, la première, aibul ansabi wa tanaqqusuha. Parler des origines de manière péjorative et insultante. La seconde, al-thaniya, raf'u as-sawti 'inda al-musibati tasakhutan 'ala al-qadar. Lever la voix lors de la calamité par mécontentement quant à la prédestination. Puis Cheikh il dit, et ça c'est un point très très important ici, لكن ليس من قام بشعبة من شعب الكفر يكون كافرا الكفر المخرج من الملة حتى يقوم به حقيقة الكفر. Mais ce n'est pas que toute personne caractérisée par une branche parmi les branches de la mécréance. Vous savez que la foi elle a des branches, comme la mécréance a des branches. Elle est nécessairement mécréante de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Et ce tant que ne se retrouve pas en elle la réalité de la mécréance. Ça on a vu dans la waqid islam, d'ailleurs je devrais avoir quelques copies cette semaine inshallah. Il a été publié de Cheikh Mohamed Bazmoul qu'on avait fait à l'époque. Et il y a des passages entiers sur des règles très importantes par rapport à ça de Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidahullah ta'ala. Le rapport entre le hadith, munasabatu al-hadith lil-bab, anna fihi dalilan ala tahrim niyahati lima fiha min as-sakhati ala al-qadari wa adam as-sabr. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith une preuve du caractère illicite de la lamentation au sujet des morts en raison de ce que cela comporte comme mécontentement envers la prédestination et comme absence de patience. Les enseignements tirés du hadith, il y en a quatre que le cheikh cite ici. Awalan, tahrim al-niyaha, wa annaha min khisal al-kufri wa min al-kaba'ir. Le caractère illicite de sa lamenter au sujet des morts, et cela fait partie des caractéristiques de la mécréance et des péchés majeurs. Pour voir que ça fait partie des péchés majeurs, en fonction de la règle qu'on a citée il n'y a pas longtemps, la définition des péchés majeurs. Thaniyan, wujub al-sabr, li'annahu idha hurrimat al-niyaha, dalla ala wujub iddiha, wa huwa al-sabr. Ça c'est une règle importante aussi. L'obligation de la patience, car si la lamentation au sujet des morts est illicite, cela indique quoi? Eh bien l'obligation de son contraire, qui est quoi? La patience. Thalithan, أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة. Il y a des choses du domaine de la mécréance qui ne font pas sortir de la religion. رابعا تحريم الطعن في الأنساب وتنقصها. Le caractère illicite d'insulter les origines des gens et de les dénigrer, dénigrer ses origines. On continue dans le matn. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Ne fait pas partie des nôtres. Ça rentre directement dans quoi alors par rapport à la règle qu'on avait donnée dans le cours précédent, dans le kabair, les péchés majeurs. Alors, Cheikh l'Islam Mohammed bin al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit ici, et chez eux deux, c'est-à-dire le Bukhari ou le Muslim, d'après Ibn Mas'ud, qu'à la grecque, qui rapporte marfou, c'est-à-dire que c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a dit, ne font pas partie des nôtres ceux qui se frappent les joues et se déchire les cols des habits et appelle de l'appel de la période pré-islamique. Laysa minna, Cheikh al-Fawzan dit, il fait l'explication des termes, hada min bab al-wa'id wa la yanbaghi ta'wiluh. Ne font pas partie des nôtres, ceci est de l'ordre de la menace. Ce sont des textes qui ont affaire à la menace, comme il y en a d'autres qui ont affaire à la promesse. Et il ne convient pas de falsifier son sens. Pas quelqu'un qui vient dire autre que ce que les ulama ont compris de cela. Man daraba al-khudud khassa al-khad li'annahu al-ghalib wa illa fa darbu baqiyati al-wajhi mithluh. Man daraba al-khudud, ceux qui se frappent les joues, il a fait mention alayhi salatu wassalam des joues de manière spécifique, car c'est ce qui se fait le plus. Sinon le reste du visage est au même titre. Wa shaqqa al-juyub jam'u jayb wa huwa madkhalu ar-ra's min ath-thawb. Et se déchire les cols des habits. Juyub est le pluriel de Jaib, qui est l'endroit par lequel la tête entre dans le vêtement. Da'wa al-jahiliya hiya an-nadabu 'ala al-mayyit wa ad-du'a'u bil-wayl wa ath-thubur. L'appel de la période pré-islamique, c'est-à-dire de faire l'éloge du mort et invoquer le malheur. Al-wayl wa ath-thubur, c'est deux termes qui sont très proches et qui veulent dire en français le malheur. المعنى الإجمالي للحديث لسان جنرال دو حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتوعد من فعل شيئا من هذه الأمور لأنها مشتملة على التسخط على الرب سبحانه وتعالى وعدم الصبر الواجب والإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تعالى. Le sens général du hadith est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam menace quiconque commet l'un de ces actes car ils comprennent le mécontentement envers le Seigneur subhanahu wa ta'ala et l'absence de patience obligatoire et de se faire du mal en se frappant le visage et le gaspillage des biens en déchirant les habits et en les détruisant et l'invocation du malheur et se plaindre d'Allah le Très-Haut. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على تحريم التسخط من قدر الله بالقول والفعل وأن ذلك من كبائر الذنوب. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith une preuve du caractère illicite du mécontentement contre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cela soit en parole ou en action, et que cela fait partie des péchés majeurs. Les enseignements tirés du hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu wa ardah, ma yustafadu min al-hadith, awalan, تحريم تسخط من قدر الله بالقول أو الفعل وأنه من الكبائر. Le caractère illicite d'être mécontent quant au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cela soit en parole ou en action, que cela fait partie des péchés majeurs. ثانيا وجوب الصبر عند المصيبة. Deuxièmement, l'obligation de patienter lors des calamités. ثالثا وجوب مخالفة الجاهلية لأن مخالفتهم من مقاصد الشرع الحكيم. C'est l'obligation de se différencier des gens et des affaires de la période pré-islamique, car son différencier fait partie des buts du législateur sage. On continue dans le matn. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي رحمة الله عليه. Qu'est-ce que Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullahu ta'ala il dit ici, il dit, et d'après Anas, qu'Allah l'agré, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la grandeur de la récompense est certes proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Et certes, lorsque Allah aime des gens, il les éprouve. Et donc celui qui est satisfait aura la satisfaction d'Allah, et celui qui est mécontent aura le mécontentement d'Allah. Jugé Hassan par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Alors les termes, Cheikh al-Fawzan les explique en disant « عِضَمُ الْجَزَاءِ مَا عِضَمِ الْبَلَاءِ بِكَسْرِ الْعِينِ وَفَتْحِ الضَّاءِ أي « مَنْ كَانَ ابْتِلَاءُهُ أَعْضَمَ فَجَزَاءُهُ أَعْضَمَ » عِضَمُ الْجَزَاءِ مَا عِضَمِ الْبَلَاءِ La grandeur de la récompense est certes proportionnelle à la grandeur de l'épreuve. Avec une kasra sous le ayn et une fatha sur le dha, c'est-à-dire celui dont l'épreuve est la plus grande aura la plus grande récompense. فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَدَاهُ اللَّهُ وَقَدَّرَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْبْتِلَاءِ Donc quiconque est satisfait, celui qui est satisfait, celui qui agrée, c'est-à-dire qu'il est satisfait de ce qu'Allah a décrété pour lui en termes d'épreuve. فَلَهُ الرِّضَى مِنَ اللَّهِ جَزَاءً وِفَاقًا فَلَهُ الرِّضَى Il aura la satisfaction d'Allah, c'est-à-dire la satisfaction d'Allah par juste rétribution. ومن سخط بكسر الخاء والسخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به ومن سخط est celui qui est mécontent avec une kasra sous le kha et as-sakhat c'est la détestation d'une chose et ne pas en être satisfait فله السخط اي من الله عقوبة له il aura alors le mécontentement d'Allah c'est-à-dire le mécontentement d'Allah par châtiment envers lui. Le sens général du hadith المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم أن عظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم الابتلاء والامتحان الذي يجري على العبد في هذه الدنيا إذا صبر واحتسب وأن من علامة محبة الله لعبده أن يبتليه فإن رضي بقضاء الله وقدره عليه واحتسب الأجر والثواب وأحسن الظن بربه رضي الله عنه وأثابه وإن تسخط قضى الله وجزع لما أصابه سخط الله عليه وعاقبه. Quel est le sens général de ce hadith? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informe que la grandeur de la rétribution et la multitude de la récompense sont proportionnelles à la grandeur de l'épreuve et du test qui arrive au serviteur dans ce bas monde s'il patiente et s'il espère la récompense. et que fait partie des signes de l'amour d'Allah envers son serviteur, qu'il l'éprouve, et donc s'il est satisfait en ce qui concerne le décret d'Allah quant à lui, et espère la récompense, et a le bon soupçon envers son Seigneur, alors Allah sera satisfait de lui et le récompensera. Mais s'il est mécontent quant au décret d'Allah et s'indigne de ce qui le touche comme épreuve, alors Allah est mécontent de lui et le châtie. Munasabat al-hadith il-bab, et après ça on a presque fini le cours, le rapport entre le hadith et le chapitre, أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه دليلا عفوا على تحريم التسخط من قدر الله بقدر الله بالقول والفعل. أن فيه بيان علامة محبة الله لعبده وبيان حكمته فيما يجري عليه من المكاره. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith la mise en évidence du signe de l'amour d'Allah envers son serviteur et la mise en évidence de sa sagesse dans ce qui le touche comme chose douloureuse. Les enseignements tirés de ce hadith, et après on aura encore un hadith et on aura fini le cours, incha'Allah. Ma yustafadu min al-hadith, awalan bayanu alamati mahabbati lahi li'abdihi, wa hiya l'ibtila. Le premier enseignement, c'est la mise en évidence du signe de l'amour d'Allah envers son serviteur, et c'est l'épreuve. Thaniyan, wasfu Allahi bil mahabbati wal rida, wa sakhati ala ma yaliku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. L'affirmation à Allah des attributs d'amour et de satisfaction et de mécontentement de la manière qui sied à sa majesté. Thalithan, ithbatu al-hikmati lillahi fi af'alihi. L'affirmation de la sagesse à Allah dans ses actions, subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, anna al-jaza'a min jinsi al-amal. Ça c'est une des preuves que vous pouvez utiliser pour cette règle-là, qui est connue chez l'ulama, qui est que la rétribution est du type de l'action. Khamisan, al-hathu ala al-sabri ala al-masa'ib. L'incitation à la patience quant aux calamités. Sadisan, an al-insan qad yakrahu shay'a wa huwa khayrun lahu. Il se peut qu'une personne déteste une chose alors que c'est un bien pour elle. Dernier hadith pour aujourd'hui, on aura fini avec cela le chapitre inshallah. Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Rahman rahimahullah, il dit wa qala sallallahu alayhi wa sallam idha arada Allah bi 'abdihi al-khayra 'ajjala lahu al-'uqubata fi ad-dunya wa idha arada Allah bi 'abdihi ash-sharra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yawm al-qiyamah. Et il, alayhi salatu wasalam, dit, lorsqu'Allah veut un bien pour son serviteur, il lui hâte le châtiment dans ce bas monde. Et lorsqu'Allah veut un mal pour son serviteur, il lui retarde le châtiment de son péché, jusqu'à ce qu'il le rétribue de ce péché le jour de la résurrection. Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit, « Hada al-hadith walladhi qablahu, rawahuma tirmidhiu bisanadin wahidin, wa sahabiyin wahidin, walidhalika ja'alahuma al-muallifu kal-hadithi al-wahid. » Ce hadith, ainsi que celui qui le précède, ont tous deux été rapportés par At-Tirmidhi avec une chaîne de transmission unique et un seul compagnon. Et c'est pour cela que l'auteur les a cités comme si c'était un seul hadith. عجل له العقوبة في الدنيا أي ينزل به المصائب لما صدر منه من الذنوب فيخرج منها وليس عليه ذنب. عجل له العقوبة في الدنيا, il lui hâte le châtiment dans ce bas monde, c'est-à-dire qu'il fait descendre sur lui les calamités en raison de ce qui a émané de sa part en termes de péché. Et donc, il sort de ce bas monde sans avoir de péché. Amsaka anhu bidambi, ay akhara anhu uqubata dambi. C'est-à-dire qu'il lui retarde le châtiment de son péché. Yuwafi bih bikasri al-fa' mabni lil-fa'il mansoub bihatta, ay yaji'u yawm al-qiyamati mustawfir adh-dhunub fayastawfi ma yastahiqquhu min al-'iqab. Il le rétribue de ses péchés, c'est-à-dire qu'il vient le jour de la résurrection avec ses péchés, et donc au complet, et donc il reçoit ce qu'il mérite en termes de châtiment, il reçoit son dû en termes de châtiment. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, le sens général du hadith, yukhbiru sallallahu alayhi wa sallam anna 'alamata iradatillah al-khayra bi'abdihi mu'ajalatuhu bil-'uqubati 'ala dhunubihi fi ad-dunya hatta yakhruja minha wa laysa 'alayhi dhanb yuwafi bihi yawm al-qiyamah. لأن من حوسب بعمله عاجلا خف حسابه في الآجل ومن علامة إرادة الشر بالعبد أن لا يجاز بذنوبه في الدنيا حتى يجيء يوم القيامة مستوفر الذنوب وافيها فيجازى بما يستحقه يوم القيامة. Le sens général du hadith est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informe que le signe d'Allah veut un bien pour son serviteur et qu'il lui hâte le châtiment de son péché dans ce bas monde, jusqu'à ce qu'il en sorte sans avoir de péché, sujet à la rétribution le jour de la résurrection. Car celui qui est puni pour un péché dans ce bas monde, son jugement s'allège dans l'au-delà. Et parmi les signes qu'Allah veut un mal à son serviteur, c'est qu'il ne rétribue pas de son péché dans ce bas monde jusqu'à ce qu'il arrive le jour de la résurrection avec ses péchés au complet chez celui qui lui donnera son dû. Et donc il sera rétribué parce qu'il mérite le jour de la résurrection. Le rapport entre le hadith et le chapitre. مناسبة الحديث للباب أن في الحث على الصبر على المصائب والرضا بالقدر لأن ذلك في صالح العبد. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith l'incitation à la patience quant aux calamités et à être satisfait du décret d'Allah, car cela est dans le bien du serviteur. Ou pour le bien du serviteur. ما يستفاد من الحديث, les derniers renseignements tirés de ce hadith, علامة إرادة الله الخير بعبده معاجلته بالعقوبة على ذنوبه في الدنيا. Le signe qu'Allah veut le bien à son serviteur est qu'il lui hâte le châtiment de son péché dans ce bas monde. Puis il déchire le deuxièmement, علامة إرادة الشر بالعبد أن لا يجازى بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. Le signe qu'Allah veut un mal à son serviteur est qu'il ne rétribue pas pour son péché jusqu'à ce qu'il ait son dû le jour de la résurrection. ثالثا الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر. La peur que la bonne santé constante soit un signe de mal. رابعا التنبيه على حسن الظن بالله ورجائه فيما يقضيه الله عليه من المكروه. L'attention est attirée sur le bon soupçon envers Allah et l'espoir en Allah en ce qui concerne ce qu'il lui décrète en termes de choses douloureuses, de choses détestables. خامسا أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له وقد يحب الشيء وهو شر له. Il se peut que la personne déteste une chose alors que c'est un bien pour elle, et il se peut qu'elle aime une chose alors que c'est un mal pour elle. سادسا الحث على الصبر على المصائب. L'incitation à la patience quant aux calamités. Et avec cela on a fini le darj d'aujourd'hui, on est plus ou moins dans le temps habituel, 42 minutes. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.